heures, tu sais que je t'aime bec, les gars, plus de fou, les bec, fucker. Je voulais nous péter les steaks, de bec. Le bout de mon mec t'électrise, le rubis de mon te maîtrise, te méprise, tu crises quand je te baisse, mais please, feel, feel, positive. Tant qu'à ma vie, y'a des spoils, les spoils, fais pas de le cerveau. Ce n'est pas que pour trouver du plaisir, mais c'est peut-être le temps pour toi, mon vieux, et des goûts de périr, et coupe le délire. Mec, c'est veulent à la limite, je suis tellement loin, en vrai, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, pas de problème, je continue quand même des formes. Good. tu m'en manques. Pour moi, tu pourras prêter, bah, tu ne sens pas. Comment aspirer la joie, qu'est-ce qui est la peur? Comment feinter, comment lutter, comment savoir quoi? D'ailleurs tu dis quoi, on ne sort pas de mytho. Genre vente de progrès, c'est trop trop, j'ai trop comme une peau. Car tu sais quoi, tu n'as que l'odeur du psycho. Non, baisse les bras, et va plutôt la paix des chicots. Tu n'es qu'un écho, tu penses le dominer. Va donc jouer au domino avec tes cheveux gommés. Tu n'es qu'un mignon, Titi et mon gros mignon. Comme Bernie, j'en ai qu'un oiseau pour dîner. J'ai pas terminé, juste ouvert le robinet. Je check le micro, mais je suis large pour te piner. Bande dessinée, je pèse les mots, je pèse les faux. Fais gaffe, tu pas grave halluciné. Tu pèses les mots, c'est du ciné. Tu check le micro, affaire à l'air, t'as du ciné. Tu aimes les mots, allez. Thank you. Je te dis bonjour, tu es ton homologué par l'acteur subi, tu t'en rends même pas compte. Si je décroche. thunes. T'es pas sûr que je suis là, tellement pas de muscles. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.